sais, depuis longtemps déjà, j'entends son appel. J'ignore pourquoi il m'a choisi. Je me sens si frêle. J'ai attendu, j'ai réfléchi avant d'oser enfin dire oui. C'est comme une évidence, un chemin de lumière, un goût de transcendance, une folie. Plus fort de sa présence, désormais tout est clair. C'est comme une évidence, un chemin de lumière. Librement conscient de la grâce qui m'est donnée. Humblement, malgré mes limites, les difficultés et les raisons de dire non, je vais suivre ma vocation. C'est comme une un chemin de lumière, un goût de transcendance, une folie, un mystère. Plus fort de sa présence, désormais tout est clair. C'est comme une évidence, un chemin. Joyeusement, je m'abandonne à cette amitié. J'ai choisi de suivre le Christ, le crucifié. À son service, celui des eaux, Dieu veut devenir son. C'est comme une évidence, un chemin de lumière, un goût de transcendance, une folie, un mystère. Plus fort de sa présence, désormais tout est clair. C'est comme une